Ces après-midi se passaient à se rappeler la visite de la veille, à désirer celle du soir. Quand ils ne dînaient pas chez eux, vers 9 heures, ils se postaient au coin de la rue. Et, dès qu'Arnoux avait tiré la grande porte, Frédéric montait vivement les 2 étages et demandait à la bonne d'un air ingénu. « Monsieur est là ?» Puis faisait l'homme surpris de ne pas le trouver. Arnoux, souvent, rentrait à l'improviste. Alors, il fallait le suivre dans un petit café de la rue Sainte-Anne que fréquentait maintenant Rochimbard. Le citoyen commençait par articuler contre la couronne quelques nouveaux griefs. Puis, il causait en disant amicalement des injures, car le fabricant tenait Rochimbard pour un penseur de haute volée, et, chagriné de voir tant de chemoyens perdus, il le taquinait sur sa paresse. Le citoyen jugeait Arnoux plein de cœur et d'imagination, mais, décidément, trop immoral. Aussi le traitait-il sans la moindre indulgence et refusait même de dîner chez lui parce que, entre guillemets, la cérémonie l'embêtait. Quelquefois, au moment des adieux, Arnoux était pris de fringales. Il, entre guillemets, avait besoin de manger une omelette ou des pommes cuites. Et, les comestibles ne se trouvant jamais dans l'établissement, il les envoyait chercher. On attendait. Rochimbard ne s'en allait pas et finissait, en grommelant, par accepter quelque chose. Il était sombre néanmoins, car il restait pendant des heures en face du même verre à moitié plein. La Providence, ne gouvernant point les choses selon ses idées, il tournait à l'hypochondriaque, ne voulait même plus lire les journaux et poussait des rugissements au seul nom de l'Angleterre. Il s'écria une fois à propos d'un garçon qu'il servait mal. « Est-ce non pas assez des affronts de l'étranger ?» En dehors de ces crises, il se tenait taciturne, méditant, entre guillemets, un coup infaillible pour faire péter toute la boutique. Tandis qu'il était perdu dans ses réflexions, Arnoux, d'une voix monotone et avec un regard un peu ivre, contait d'incroyables anecdotes où il avait toujours brillé, grâce à son aplomb. Et Frédéric, cela tenait sans doute à des ressemblances profondes, éprouvait un certain entraînement pour sa personne. Il se reprochait cette faiblesse, trouvant qu'il aurait dû le haïr au contraire. Arnoux se lamentait devant lui sur l'humeur de sa femme, son entêtement, ses préventions injustes. Elle n'était pas comme cela autrefois. « À votre place, disait Frédéric, je lui ferai une pension et je vivrai seul. » Arnoux ne répondait rien. Et, un moment après, entamait son éloge. Elle était bonne, dévouée, intelligente, vertueuse. Et, passant à ses qualités corporelles, il prodiguait les révélations avec l'étourderie de ces gens qui étalent leurs trésors dans les auberges.